construisent quoi? Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Música i companyia, música cantada en francès, d'això es tracta el nostre programa, és Hola la música amb Rafael Corbí, gairebé 60 minuts més dedicats a la música cantada en francès, a càrrec d'un servidor, però també dels nostres col·laboradors que sempre estan al nostre costat, amb aquest espai, la Norma, en Cyril i l'Àngel Rodríguez. Anem a gaudir de cançons avui, un resum d'artistes diversos que hem tingut amb els darrers programes, als quals ens centrarem, i també àlbums, com per exemple, n'hem escoltat en més d'una ocasió, avui seguirem amb un parell de cançons més del disc Listen to the Difference, Escolta la diferència, grans èxits amb edició en francès, versions de temes originals, com per exemple, aquest tema que escoltarem ara mateix, ens el portava Eddie Mitchell, That's How I Got to Memphis, amb la versió en francès, Sur la route de Memphis. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup me jetait un regard un peu fou. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Dans un costume un peu élimé aux manches, j'ai le droit de me taire et fumer en gardant mes menottes au poignet. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Pour une fois les flics ont gagné. Vers chez toi je ne sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Aquesta és la cançó que us comentàvem d'aquest àlbum, cançons cantades en francès, grans èxits internacionals, com també ho va ser en el seu moment, aquest In the Summertime, Fatal Mambo, ens portava Magot Chéri. Oh, mon banquier est trop, il me colle des agios, plus je suis malade. Et plus il me casse le dos, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un petit bout du magot? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un petit bout du magot? Je vais chez le maire demander des subventions, mais les fonctionnaires font une manifestation. Qu'est-ce que tu veux faire contre la colère de l'administration? Qu'est-ce que tu veux faire contre la colère de l'administration? Et quant à la CEDIC, je demande des allocations au dehors Les flics me collent une contravention, c'est vraiment pas chic. Pour payer, va falloir que je trouve des ronds. Oh, c'est vraiment pas chic. Pour payer, va falloir que je trouve des ronds. Je te sauverai de métier si tu veux palper. De quoi? Ton mango cherry. Je te sauverai de métier si tu veux palper. Ton mango cherry. Et je te chanterai toute ma vie. Je pourrais faire docteur, un pot de vin sous le stéto, ou peut-être assureur. Bienvenue chez les escrocs. Je préfère chanteur, même si c'est le métier qui m'a mis cabot. Je préfère chanteur, même si c'est le métier qui m'a mis cabot. Fais que je saurai de métier si tu veux palper. Ton mango cherry. Flavé, ting, ting, ting, ting, ting, ton, ting, ton, ting, ting, oh, oh. Ton mango cherry. Allonge un peu les lovés, tu seras épaté. Ton mango cherry. Ce blé te pèse, je vais te soulager. Possible donc que je change de métier. Mais la solution, c'est que vous allez m'aider. Ma chanson vous plaît, vous me ferez donc de la publicité. Oh, ma chanson vous plaît, vous me ferez donc de la publicité. Ma chanson vous plaît, vous me ferez donc de la publicité. Oh, ma chanson vous plaît, vous me ferez donc de la publicité. Canviant de disc i un altre dels àlbums que també us hem recomanat en passades edicions de Hola la Music és l'àlbum d'homenatge a la cantant Bàrbara. Els and Bàrbara, un àlbum publicat a 2017 amb diferents artistes que ja havíem escoltat en diverses vegades. Aquesta cantant que escoltarem ara va néixer el 1960 a Ouidà, la meca del tràfic d'esclaus i el bressol del vudú, la segona ciutat de Benín i capital mundial d'aquest vudú. Angélique Kidjo Jo ens portarà Le Soleil Noir. Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie, plus jamais du ciel ou jamais des matins gris. Je suis sorti des brumes, je me suis enfui sous des ciels plus légers, pays de paradis. Oh, que j'aurais voulu vous ramener ce soir, des mers en furie, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres, et vous ferez le bruit de nos retins tamars. Des coquillages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les vagues mille fois ramenées, des rouges éclatants, des soleils éclatés dont le feu brûlerait d'éternels étés. Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire, et je reviens de loin et mon soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, vous pouvez me croire, je reviens fatigué et j'ai le désespoir. Légère, si légère, j'allais court vêtue. Je faisais mon affaire du premier venu, et c'était le repos, l'heure de nonchalance. À bouche, que veux-tu, et j'entrais dans la danse. J'ai appris le banjo sur des airs de guitare, j'ai frissonné du dos, j'ai oublié Mozart. Enfin j'allais pouvoir enfin vous revenir avec les langues vagues de souvenirs. Et j'étais l'ouragan et la hache de vivre, et j'étais le torrent et la force de vivre. J'ai aimé, j'ai brûlé, rattrapé mon retard, que la vie était belle et folle mon histoire. Mais la terre s'est ouverte là-bas, quelque part. Mais la terre s'est ouverte et le soleil est noir. Des hommes sont murés tout là-bas, quelque part. Les hommes sont murés et c'est le désespoir. J'ai

Seguim a través de Hola la Music, el programa de música en francès. Fa uns programes enrere us varen presentar música de Sazie. Avui volem recordar el seu primer àlbum, Jet to Ill, que va ser el que es va publicar l'any 1992, l'àlbum del seu debut. I va debutar precisament amb aquesta cançó que escoltarem ara mateix, aquest Sucre-Salé, que va ser un número 46 a les llistes franceses. Tout ça c'est fragile, je tue il. J'envoie des ballons, des coups de pied. Mon petit frère joue à la poupée. Maman est en haut, papa est en bas, qu'il aime pas. Je tue il. Et comprendre, c'est pas facile. Bah, je tue il, c'est des enfants perdus, des parents qui s'aiment plus. Papa voyage, maman le suit à la nage avec des larmes qui défilent. Je tue il, papa qui sourit, maman peut pas me faire. comme si, et puis le doute se faufile, je tue, il. Bien sûr, on aura notre maman, toujours plus jeune que celle d'avant. Et tes frères à demi, qu'on aimera, c'est promis. Je tue, il. Et comprendre, c'est pas facile. Je tue, il. C'est des enfants perdus, des parents qui s'aiment plus. Changer sera difficile. Je tue, il. Et grandir, c'est pas facile. Je tue, il. C'est des enfants sauvages qui feront pareil à notre âge. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. Je tue, il. És la música de la Zazie, el seu nom real era Isabel de Truchier de Baguen, cantant, compositora, nascuda a Boulogne-Billancourt, a França, un 18 d'abril de 1964, coproductora dels seus propis àlbums al costat d'altres productors. Va debutar amb aquest disc que avui estem repassant, el Je Tue Il, del qual aquesta cançó, que és la que donava nom al disc, que també va sortir com a senzill, però no va entrar en cap de les llistes ni francesa ni belga, com tampoc ho va fer la cançó que va sortir després com a tercer senzill d'aquest àlbum. Ja havia marcat una mica el camí a seguir amb aquest àlbum de debut número 173, llista d'àlbums francesa. A partir del Zen del 1995 va ser com va començar a tenir els èxits més importants, en format també de senzill, però també en format d'àlbum, i després arribaria amb àlbums de ja més enllà, com per exemple aquella col·laboració amb Axel Bauer del 2001. Escoltem la darrera, Un petit peu amogó, és la cançó que escoltem de la Sazi, que avui ens ha acompanyat a Hola la Music. Peu Aquesta era la companyia de l'Assassí, entre nosaltres a Olala Music. Ara qui toca el torn és de l'Àngel Rodríguez, que ens portarà la seva col·laboració d'aquesta setmana. Endavant, Àngel. Què tal, amic Rafael? Com estàs? Bé, avui us presentaré una artista amb una cançó realment deliciosa. La cantant es diu Julieta Armenet i la peça que farà les delícies de les persones enamorades i de la gent romàntica porta per nom A la Folie. Julieta Armenet és una jove compositora nascuda l'any 1984 a Lille, al nord de França. L'abril del 2017 va sortir el seu primer àlbum, qualificat per Radio France International com un premi a la sensibilitat i a la melanconia. Us proposo d'escoltar A la Folie. No us la perdeu. Bye.

qui sifflent, carton rouge, j'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge, j'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde qui n'a pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler, demain on aura tapé, laissez-les gourmands, laissez-les parler, laissez-les gourmands, laissez-les gourmands, laissez-les parler, laissez-les gourmands, laissez-les gourmands, laissez-les parler. Y'a tant de choses qu'on sait pas dire, tant de choses qu'on ne sait pas dire, tant de choses qu'il nous reste à vivre, tant de choses, mais je ne sais pas dire. Et dire que l'on s'est manqué de peu, à vrai dire, on fait du mieux qu'on peut. Toi et moi, on ne va pas se dire adieu. Dans nos larmes trahiraient nos yeux. Je me dis, demain je me confesse. J'ai rien dit, par peur ou politesse. Il n'y a que les mots qu'on ne dit pas qui blessent. Et me voilà là, moi et le poids de ma tristesse. Pourtant j'ai mal, si loin de toi. Est-ce que t'as mal, si loin de moi? Pourtant j'ai mal, si loin de toi. Est-ce que t'as mal, si loin de moi? Y'a tant de choses qu'on sait pas dire, tant de choses qu'on ne sait pas dire, tant de choses qu'il nous reste à vivre, tant de choses, mais je ne sais pas dire, tant de choses. Ces photos sur les murs que j'accroche, qu'un jour on était proche, démunis face au blâme, au reproche. Autant se dire que j'ai raté le coche. Mis à part ça, est-ce que tu vas bien? Quand est-ce que tu reviens? Ne me remercie pas, c'est rien. On crée des liens auxquels on s'accroche. À court de mots, on les défait, c'est moche. Pourtant j'ai mal, si loin de toi. Est-ce que t'as mal, si loin de moi? Pourtant j'ai mal, si loin de toi. Est-ce que t'as mal, si loin de moi? Y'a tant de choses qu'on ne sait pas dire, tant de choses qu'on ne sait pas dire, tant de choses qu'il nous reste à vivre, tant de choses. Tant de choses. Si seulement j'avais dit je t'aime, si seulement tu savais ma peine. Mais y'a trop de choses que je ne sais pas dire. Si j'avais retenu tes pas, si je t'avais dit ne pars pas. Mais y'a trop de choses que je ne sais pas dire. Y'a tant de choses qu'on ne sait pas dire. Tant de choses qu'on ne sait pas dire. Tant de choses. Tant de choses, mais je ne sais pas dire. Tant de choses, tant de choses. On ne sait pas dire, on ne sait pas dire. On ne sait pas dire. Així, escoltem a Zao, aquesta cantant que us comentàvem, bona intèrpret, amb M.A.D. escoltant la Cele Comà, i tant d'això era l'altra cançó que també sentíem, els tres senzills que han aparegut, o van, d'aquest àlbum de 2017, aquest món, al revés que ens comentava, Con tu le soir, és l'altra de les cançons que escoltem de Zao, que també ens ha acompanyat amb el seu programa avui. Mon amour, rappelle-toi nos souvenirs. On était libre, on était libre. On avait toute la vie. Chaque jour semble si loin de nos faux rires. À la folie, nos âmes sont en péril. Non. À quoi bon tromper nos corps, nos cœurs en désaccord le savent, on a tous les deux tort. J'ai corps et pris dans mes bras, et comme tous les soirs, j'aurais fait le premier pas. Oui, comme tous les soirs, on ne peut plus se mentir, se mentir. Comme tous les soirs, laissez les mots nous trahir, nous trahir. Comme tous les soirs, mon amour. Música i paraules, sort en tinc dels meus col·laboradors amb aquest espai, perquè ells porten tot el que jo no sé, que és moltíssim. Han de cobrir un espai increïble. És molt fàcil posar música, i sempre ho he dit això, i per això en discuto tantes vegades amb els meus oients. És molt fàcil trobar la música avui en dia, posar-la i senzillament presentar-la. Però saber-ne és una altra cosa ben diferent, i és el que saben en Ciril, el nostre convidat, en Ciril Torres, que cada setmana ens acompanya amb el seu segment que ens permet descobrir artistes com el que ens aporta avui. Molt benvingut, Ciril, benvingut. Afalaga, Rafael. Bé, gràcies i hola. Ja saps que després en deus un dinar, no? Absolutament. Es van acumulant els dinars. Quants en portem ja? Bueno, i els que falten. Vinga, som. Sí, la música fantàstica. Doncs sí, trobar-la és fàcil, posar-la... també és fàcil encertar el moment, doncs potser és a vegades més sutil, però saber-ne, doncs jo crec que sobretot és disfrutar-la i viure-la i fer-la seva. Jo, la música que em faig meva, o cançons de les quals m'enamoro, n'hi ha moltíssimes, i el plaer d'escoltar-la, de reescoltar i de compartir, doncs jo crec que és part essencial de... d'aquest mitjà de comunicació que és la música. Anem a sentir un tema que, a més, és una formació que em va recomanar un col·laborador i un algú que també disfruta molt la música aquí a Palafrugell, com és en Jesús Zic, que quan jo organitzava doncs, el Festival Quart, i ara fa molts anys, em va fer una proposta que finalment no es va fer perquè vam triar una altra formació, però que també doncs, era molt atractiva. Ells són del sud de França i són aquesta barreja francesa doncs, on també es barreja la gent d'origen magrebí i africana i de molts orígens, de tota aquesta mixtura que en el fons és la cultura francesa doncs, des de fa doncs, segurament dos segles ja. Ells són Les Boucaques i el tema és Mon amant de Sant Joan, el meu amant de Sant Joan. I Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, au bal musaïeïte. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, oui. Car on croit toujours au doux mon amour lorsqu'ils sont dits avec les yeux. À moi, à qui l'aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean, oui. Je reste grisé à sans volonté, à sous ses baisers. Sans réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Au parlant chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, oui. Car on croit toujours au doux mon amour lorsqu'ils sont dits avec les yeux. À moi, à qui l'aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé sans volonté sous ses baisers. Saint-Jean, comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'ai eu tort de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, oui. Car on croit toujours au doux mon amour lorsqu'ils sont dits avec les yeux, oui. Moi, qui l'aimait tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, oui. Il ne m'aime plus, c'est du passé, et n'en parlons plus. D'aquesta excel·lent manera i amb la recomanació de l'amic Ciril Torres, amic, company de ràdio, hem arribat al final d'Olala Music i aquesta cançó amb una Amanda Saint Jean que ens conduïa. Bé, una última cançó i acabem, i ja que havíem recordat les cançons del Listen to the Difference, el Big Hits, l'edició francesa, què tal aquesta versió que en Gilbert Montagnier ens porta d'aquest tema tan conegut anomenat Killing Me Softly with His Song. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. És el món de Olala Music. On m'avait dit qu'elle chantait dans un quartier perdu. Alors ce soir pour l'écouter je suis venu. Et les mots de sa chanson semblaient écrits pour moi. Elle chantait ma vie en musique. Elle disait mes mots en chanson. Je revoyais l'Amérique. Elle touchait mon cœur tendrement. Elle me rassurait. Doucement, elle m'emportait loin du présent. Les notes de mes années filait sous ses mains. Sans me connaître, elle semblait me connaître bien. Oh, j'étais seul avec elle. Elle racontait mon passé. Elle chantait ma vie en musique. Elle disait mes mots en chanson. Je revoyais l'Amérique. C'est mon cœur. cœur tendrement, elle me rassurait doucement, elle m'emportait loin du présent. J'aurais voulu deviner qu'elle sentait pour moi, mais il y avait tant de tristesse dans sa voix. Ouh, qu'elle avait l'air d'être seule, seule avec sa chanson. Elle chantait ma pire musique, elle disait mes mots en chanson. Je revoyais l'Amérique, elle touchait mon cœur. Oh, doucement, elle m'emportait loin du présent. Hey, je dis.